إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On a laissé au dernier cours, à la fin, on expliquait les versets dans le livre Haqiqatu Shura, écrit par le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. On a expliqué les versets qui montrent et qui prouvent que le musulman, ça fait partie de ses fondements et de ses principes dans sa croyance, hein, et c'est relié directement au Tawhid, puisque ça fait partie du Tawhid dans l'adoration, qu'il doit se référer à Allah subhanahu wa ta'ala comme juge dans toutes ses affaires, dans toutes les questions de sa vie, dans toutes les choses qui ont rapport à tous les détails de sa vie, et que les musulmans se réfèrent au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les choses qui ont rapport avec la religion et qui ont rapport avec la dunya. Et on ne fait pas de distinction en tant que musulman entre la dunya et la religion par rapport aux lois, puisqu'on se réfère dans tout à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué du Coran dans sa sunnah, dans son exemple. Et le cheikh, il a mentionné plusieurs versets, comme le verset dans surat Ash-Shura, justement. C'est le verset « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » C'est-à-dire, peu importe la chose dans laquelle vous divergez, eh bien, son jugement appartient à Allah. C'est à Allah qu'il faut revenir pour connaître son jugement. Et des versets comme, par exemple, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Ou, par exemple, le verset « وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ » فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ C'est-à-dire que Allah est le meilleur des juges et que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand. Et des versets qui mentionnent comme par exemple وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a fait descendre ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors voilà les mécréants, voilà ceux qui sont les mécréants. Donc le fait de ne pas juger selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, eh bien les ulama ont mentionné que c'est quelque chose qui est kufr. Hein? Mais ils ont divisé cette catégorie, ce kufr, en différentes catégories ou en différents degrés, selon la situation de la personne. Si la personne, elle juge, ou elle juge pas par ce que Allah a révélé, par rapport au fait que elle pense que les lois des hommes c'est supérieur aux lois de Dieu. Elle pense que les lois des êtres humains, que les êtres humains inventent, écrivent eux-mêmes, font. Ou ça, c'est pas nécessaire que ce soit des lois écrites. Ça peut être aussi des coutumes, des traditions que des gens suivent dans leur peuple ou dans leur pays, et qu'ils mettent ces traditions et ces coutumes-là au-dessus de l'islam, au-dessus des règles du Coran et de la Sunna. Donc il y en a qui pensent ah, c'est les lois qui sont votées dans les parlements, dans des pays, qui sont écrites dans des codes ou dans des constitutions, des trucs comme ça. c'est ça qui, que si tu juges par ces choses-là en dehors de, du Coran et de la Sunna, ça c'est ça qui fait sortir de l'islam si tu le mets au-dessus du Coran et de la Sunna. C'est pas nécessaire que ce soit des lois écrites dans un parlement ou un tribunal ou des choses de ce genre. Ça peut être des coutumes non écrites que des gens suivent et qu'ils considèrent que c'est plus valable que le Coran. Hein, ou des façons de faire les choses qui ont rapport à la vie, qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et que les gens considèrent comme étant supérieurs ou meilleurs à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Ça, si quelqu'un fait ça, ou il pense comme ça, il met des lois, il met des principes, il met des coutumes, des traditions au-dessus de ce que Allah a révélé, et il croit que c'est supérieur. Ça c'est kufr, ça c'est un kufr majeur. C'est-à-dire que ça fait sortir la personne de l'islam si elle pense comme ça et si elle croit en ça. Toutefois, il y a des degrés. Ça c'est un exemple. Il y a aussi l'exemple de celui qui dit je ne crois pas que ces lois ou ces coutumes ou ces traditions sont supérieures, mais je crois qu'elles sont équivalentes. C'est-à-dire, il les met à égalité. Il dit, tu peux faire selon la charia ou tu peux faire selon les lois et les coutumes et traditions des gens. Les deux, c'est équivalent. Les deux, c'est la même chose. Ça revient au même. Si quelqu'un dit ça aussi, c'est kufr. Akbar, majeur. Et que ça fait sortir de la religion de l'islam. Si quelqu'un pense de cette façon-là ou croit en ça. Donc, ça, c'est un autre exemple de ce qui fait sortir de l'islam. Et il y a l'exemple aussi de la personne qui dit c'est pas supérieur, c'est-à-dire les lois que les hommes ont fabriquées, les lois qu'ils ont inventées, sont pas supérieures aux lois d'Allah. Elles sont pas équivalentes aux lois d'Allah non plus. Hein? Donc on va pas les mettre à égalité. Sauf que la personne considère que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Et dans ce cas-là, ça c'est aussi quelque chose qui est kufr majeur. Qui fait sortir de la religion. Pourquoi? Parce que la personne qui dit que c'est permis de juger par autre que ce que Allah a révélé, elle rend halal ce qui est haram. Elle rend un péché halal. Et ça, c'est kufr. Hein? C'est comme quelqu'un qui rend l'alcool halal. Il dit l'alcool c'est permis. Ou quelqu'un qui rend le tabarruj halal. Le tabarruj, vous connaissez le tabarruj? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous connaissez le terme tabarruj? Tabarruj. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans le Coran, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il dit wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux femmes de rester dans leur demeure. Et les ulama ont pris de ce verset-là dans le verset 33 dans sourate Al-Ahzab, le verset 33 dans sourate 33. Ils ont pris de ce verset que la femme n'a pas le droit de sortir de chez elle, excepté pour une nécessité ou quelque chose de nécessaire. Hein, un besoin nécessaire. Pas qu'elle doit prendre l'habitude de sortir comme les hommes. Hein? Donc de ce verset, ils ont tiré ce principe-là, et à la fin, après avoir dit et resté en vos demeures, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite après wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula. Et à tabarruj, les ulama ont expliqué que ça signifie que la femme exhibe ses charmes lorsqu'elle sort dehors. Ça veut dire que lorsqu'elle sort, elle ne va pas se couvrir islamiquement. Elle ne va pas porter le djilbab par-dessus son corps. Donc, la plupart des femmes musulmanes qui vivent, par exemple, dans les pays non musulmans, et même dans certains pays musulmans aussi aujourd'hui, à notre époque, le voile qu'ils portent, ou le voile qu'elles portent, ce n'est pas un voile qui respecte les règles de la religion musulmane. Puisque de porter un foulard coloré sur les cheveux, un petit foulard attaché dans le cou, avec un pantalon ou une jupe et une tunique en haut, ça c'est pas considéré comme un djilbab et c'est pas quelque chose qui respecte la charia de l'islam. La femme qui s'habille comme ça, elle doit porter un djilbab par-dessus ce qu'elle porte, parce que le djilbab doit envelopper le corps au complet de la tête jusqu'aux pieds, hein, avec la divergence par rapport au visage et les mains, si certains savants ont ordonné que ce soit couvert. Mais sinon, il y a des femmes qui portent un foulard sur la tête et puis elles vont mettre ça avec des vêtements qui vont être tellement serrés sur leur corps qu'on voit les formes de yani leurs seins apparaissent, leurs fesses, hein, quand elles marchent, leurs cuisses, yani toutes les formes de leurs hanches apparaissent yani devant les hommes. Et même que parfois elles vont mettre du maquillage avec ça. Donc tu vas dire, à quoi sert de porter un foulard sur tes cheveux si le reste de ton corps est exhibé? Donc dans ce cas-là, tu as fait le tabarruj. Tu n'as pas porté le voile, le voile que l'islam ordonne, le djilbab. Hein? Et le fait de couvrir tes cheveux, ce n'est pas ça qui est la plus grande fitna. La plus grande fitna, c'est l'attirance sexuelle qui est causée par le reste du corps. Hein? Donc si, par exemple, tu vas voir des femmes, par exemple des femmes juives ou chrétiennes qui pratiquent le christianisme ou le judaïsme, elles sont des mouchrikates ou des kafirates, c'est des mécréantes, mais elles portent des vêtements très amples, très longs, et elles ne laissent pas paraître leur forme. Hein? Mais sauf qu'elles ne couvrent pas leurs cheveux. Hein? Ça fait, mais juste, le fait de se couvrir le corps, ça paraît même plus pudique et plus respectueux et plus modeste que le fait de porter des vêtements collants avec des cheveux cachés. C'est comme si tu vois par exemple une femme en maillot de bain avec un bonnet de bain sur ses cheveux. Est-ce que ça c'est considéré comme un hijab en islam? Non. Puisque ça, on voit tout son corps est exposé. C'est tellement simple, tellement élémentaire, tellement évident, mais malgré tout, on dirait qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui n'arrivent même pas à comprendre ces choses les plus simples. Donc, at-tabarruj, c'est haram. At-tabarruj, c'est haram. Et le tabarruj, c'est pas seulement dans ces exemples-là. Le tabarruj, ça peut être aussi dans la façon dont la femme parle en public devant les hommes. Si elle adoucit sa voix quand elle parle avec un homme, hein, elle lui parle comme elle devrait parler avec son mari seulement. Hein. Elle adoucit sa voix, elle parle avec une douceur pour attirer l'homme. Ça, c'est un exemple de tabarruj aussi. Aussi, le fait de marcher de marcher d'une certaine façon. Quand elle marche, elle bouge, hein, ou elle se déhanche d'une certaine façon. Ça aussi, c'est une forme de tabarruj. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des versets du hijab dans le Coran, il interdit même à la femme d'exhiber les parures cachées. C'est-à-dire que il y a des femmes à l'époque de la Jahiliya, elles portaient comme des bracelets ou des chaînes à leurs chevilles. Et ces chaînes et ces chevilles ne sont pas visibles parce qu'elles sont en dessous de la robe. Mais en marchant, elles frappaient leurs pieds, hein, et il y avait des petits trucs sur leurs chaînes qui frappent ensemble, qui font du bruit. Ils l'appellent en arabe al-khilkhal. Et elle faisait du bruit comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset dans sourate An-Nur, Allah interdit à la femme de faire du bruit avec qu'est-ce qu'elle a comme parure dans ses chevilles, yani quand elle sort, pour pas que les hommes pensent à ce genre de parure là ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de tabarruj. C'est des exemples de tabarruj. Et donc tout ça, c'est haram. Si quelqu'un rend ça halal, il dit oui, c'est permis le tabarruj, on a le droit de montrer notre corps, on a le droit de s'exhiber, on a le droit de faire ci et ça. Et bien, ça, c'est une forme de kufr. Parce que tu rends halal ce qui est haram, et c'est interdit dans le Coran. Hein? Ça, c'est un exemple. Et les koufars, quand ils entendent les musulmans disent, les musulmans dire ce genre de choses à propos de la femme et de ses habillements, et comment, par exemple, ça crée de la tentation chez les hommes, quand la femme fait ce genre de choses-là, eh bien, eux, ils disent, ah, mais c'est exagéré, pourquoi les hommes musulmans sont pas capables de se contrôler ou des choses comme ça, hein? Alors, pourquoi? Parce que dans leur société, c'est tellement, les gens sont tellement saturés de perversité que c'est rendu qu'ils n'ont plus de désir ou de sensation. Ils peuvent voir n'importe quoi, puis ça leur fait plus rien. Et c'est pour ça maintenant ils deviennent homosexuels. Ils deviennent homosexuels parce qu'ils n'ont plus d'attirance pour les femmes. Hein? Allah Mustaan. Donc c'est pour dire les femmes sont attirées par les femmes, les hommes par les hommes maintenant, hein? Donc c'est comme ça qu'ils ont créé une société toute désordonnée. Donc ça c'est pour expliquer en fait le principe de l'obligation pour le musulman de se référer à l'islam dans ses jugements et d'accepter l'islam en entier. Tu peux pas juste dire, par exemple, je vais croire juste en une partie de l'islam, comme la prière, le jeûne, et yani, de donner la sadaqat et les zakat. Mais les autres aspects de l'islam que les koufars aiment pas ou que les koufars critiquent ou que les médias blâment, hein, les musulmans de les accepter ou de les défendre, ceux-là je les accepte pas. Ça fait pas partie de qu'est-ce que j'accepte de l'islam. T'as pas le droit de penser comme ça, et t'as pas le droit de dire ça. Et si tu dis ça, yani ça aussi c'est un exemple de kufr. C'est un exemple de kufr parce que tu vas yani prendre juste ou croire juste en une partie de l'islam et rejeter le reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous allez croire en une partie du livre et vous allez renier l'autre partie? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et quelle sera la récompense de celui qui fait ça, excepté yani, qu'il recevra l'ignominie, l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Et au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au plus dur châtiment. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ça c'est des cas que j'ai mentionnés. Celui qui croit que la loi des hommes est supérieure. Celui qui croit que la loi des hommes est égale avec la loi d'Allah. Celui qui croit que c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah. Ça c'est trois cas qui font que quelqu'un sort de l'islam. Et il y a l'autre catégorie, une autre catégorie de personnes parmi les musulmans qui vont parfois juger par autre que la loi d'Allah, mais qui reconnaissent que c'est interdit de faire ça, et que c'est un péché, et que c'est contraire à l'islam, et que Allah les menace de sa punition, hein, et qu'ils risquent d'aller à l'enfer pour ça. Et ils croient que qu'est-ce qu'ils font c'est un péché, et que c'est interdit. Ceux-là ne sont pas des koufars. Ceux-là sont considérés comme des musulmans pécheurs. Et les ulama, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, parmi les grands imams de l'islam, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam al-Bukhari, et plein d'autres, parmi les mufassirin et les savants de l'islam, ont expliqué que ça, c'est une forme de kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'ils l'appellent le kufr qui est duna kufr. Kufrun duna kufrin. C'est-à-dire un coffre qui est moindre que le coffre qui fait sortir de l'islam. C'est un coffre, mais un coffre mineur. C'est pas un coffre majeur. Donc c'est considéré comme un grand péché parmi les grands péchés, mais ça ne fait pas devenir mécréant. Hein? Et donc c'est pour ça que on peut pas se baser sur le fait que quelqu'un juge pas nécessairement par l'islam pour dire qu'il est automatiquement mécréant. Ça dépend de sa croyance. Ça dépend de sa position par rapport à ça, hein? Donc ça c'est un exemple. Si quelqu'un dit par exemple la charia de l'islam, c'était quelque chose qui était applicable à l'époque, il y a 2000 ans ou il y a 1000 ans, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'y avait pas encore de développement des technologies, des sciences, ça c'était correct. Mais aujourd'hui, on est à une époque moderne, on a évolué, et que maintenant donc l'islam, la charia de l'islam, couper la main des voleurs, et lapider les gens qui font l'adultère ou les flageller s'ils sont fornicateurs, yani, ils disent que ça c'est quelque chose qui est rétrograde, que c'est barbarique, hein, que c'est barbare. Celui qui dit ça, il est mécréant. Celui qui croit ça, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Parce que le musulman doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus miséricordieux des miséricordieux et le plus sage des sages. Et ces lois que Allah a révélées sont pas des lois qui sont limitées à une époque. Parce que Dieu, quand il les a révélées, quand il a révélé le Coran et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené la sunna, il n'a pas dit aux gens, ça c'est juste pour une époque, puis après 1000 ans, ça va changer. On va ramener une autre loi ou un autre prophète qui va venir pour changer qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Non. Ça, c'est la loi qui va être appliquée jusqu'à la fin des temps. Et c'est applicable jusqu'à la fin des temps. Et c'est des bases et des principes et des règles qui établissent une société propre, saine et harmonieuse. Hein? Comme par exemple, dans tous les pays musulmans où on applique la charia, on trouve cette harmonie-là et cette paix-là. Hein? Comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, par exemple, pour transporter l'argent dans les banques, il n'y avait jamais eu de fourgon. Il y en a eu pour transporter les sacs d'argent. Il n'y a jamais eu de fourgon blindé, comme ici. Non! Ils amenaient l'argent dans des voitures ordinaires. Et ils sortent de la voiture avec les gros sacs rempli de billets d'argent, puis ils rentrent ça dans la banque et ils sortent de la banque, normal. Et ils font encore, peut-être dans des grandes villes, je ne sais pas, mais par exemple, quand j'étais à l'université, tous les salaires des professeurs sont, les salaires des profs reçoivent les salaires cash. Hein, et la personne qui est responsable de distribuer le salaire des professeurs, eh bien, il rentre à l'université avec les gros sacs d'argent, là. Et puis, il compte ça, il ouvre son coffre et tout, les élèves rentrent, il compte l'argent, il donne le salaire à chaque professeur, et quand c'est le temps de donner l'allocation à chaque élève pour sa bourse, eh bien, il donne à chaque élève son argent et tout. Il vient pas avec des gardes de la, comme on dit ici, on appelait ça la Brinks quand on était petit. La Brinks, maintenant, ça n'existe plus. Bon. C'est, hein? Garda, ouais. Ils viennent avec des armes, des vestes par balles, hein? Et, là, il y en a un qui sort, les autres, ils surveillent dehors avec leurs fusils. Parce qu'ils ont peur qu'il va avoir un hold-up ou quelque chose. Ça, tu trouves pas dans les pays musulmans comme ça. Les crimes que vous, les taux de criminalité que vous trouvez dans des pays comme occidentaux, comme ici, aux États-Unis ou ailleurs, tu vas aller dans les pays musulmans comme en Arabie Saoudite et tout, tu trouves pas ce taux de criminalité là, c'est pas possible, hein? Subhanallah. Donc c'est pour dire que y a des choses qui existent dans les sociétés ici. Nous, on voit ça comme normal parce qu'on est grandi là-dedans. On considère que le crime, ça fait partie de la vie, que c'est normal. Mais en réalité, c'est pas normal. Hein? C'est des choses pas normales qui se passent. Mais on est tellement habitué de vivre comme ça, puis de voir ça, hein? Sans parler des films et de tout ce qui est là. On commence à penser que le crime, puis tout ce qui se passe avec, que ça fait partie de la société, puis que c'est normal de vivre comme ça. Alors que dans l'islam, non. Hein? Donc, ça veut pas dire que non plus que les sociétés musulmanes, ça va créer des anges, puis qu'il y aura jamais de meurtre ou de crime ou des fautes. Sauf, mais sauf qu'il y a des, principes, il y a des règles dans l'islam qui font que ça décourage ces gens-là de les faire. Et ici, ils mettent toute la concentration sur la victime, pas la victime, mais le meurtrier ou le coupable, hein, le criminel. C'est de lui qu'on a pitié. Hein? Et la victime, à la limite, yani, subhanallah, elle compte même pas. Non, c'est vrai. Yani, c'est comme ici, un homme, il va violer une femme. Hein? Un homme, il va violer une femme. Puis, quelques temps après, il sort de la prison. Il rentre 2 ans, 3 ans, et puis il sort. Hein? Dans un pays musulman, le viol, c'est comme par exemple en Arabie Saoudite, le viol, c'est considéré comme un crime punissable de mort. Si un homme viole une femme dans un pays, dans l'islam, c'est la peine de mort qu'il reçoit. C'est pas une peine, là, il va rester 3 ans, après il va sortir. Hein? La peine pour la pédophilie. Des hommes qui sont yani, attirés sexuellement par des enfants qui les violent, hein, ou qui les agressent. C'est la peine dans l'islam pour ces gens-là, c'est la peine de mort. C'est pas juste on les met en prison quelques temps puis après on les sort. Maintenant ils étaient en train de parler de les marquer ou de leur, yani, de, je sais pas, ils voulaient leur faire castrer ou des choses comme ça. Non, dans l'islam, c'est la peine de mort pour ces gens-là quand ils sont coupables de ces crimes-là. Donc, c'est pour dire que yani, les principes de l'islam sont pour établir une justice et pour établir la paix dans la société et une société yani, en harmonie. Les koufars, eux, disent ça, c'est de la barbarie. On veut pas de ces principes-là ou de ces enseignements-là. Hein? Ici, on est au Québec, ils disent. Ou on est en France, ou on est en Europe, ou on est en Amérique. Yani, les principes de l'islam, il faut les enseigner partout. Même si on sait que nous, en tant que musulmans, ces principes-là, les règles comme les peines islamiques, c'est seulement un dirigeant dans un pays musulman qui a le droit de les faire appliquer. Hein? Et elles sont applicables uniquement lorsqu'une personne a été... yani, attrapé et jugé dans un tribunal et qu'il a été reconnu coupable par le juge, et c'est le dirigeant qui va ordonner que la peine soit appliquée sur lui. C'est pas n'importe quel musulman dans la rue qui va le faire, hein, qui va dire bon, lui il a fait ce crime là bon, on va lui couper la main, on l'attrape puis on le coupe. Non, c'est pas comme ça, hein. Si les gens font ça, c'est eux qui vont être punis. Ceux qui ont coupé la main de cette personne, c'est eux qui vont être punis d'avoir fait ça, parce qu'ils n'ont pas le droit d'appliquer des peines sur des individus. Ce n'est pas leur rôle à eux. Chacun il a son rôle dans la société islamique. Et le rôle du dirigeant, c'est d'appliquer la charia. S'il l'applique, alhamdoulilah, s'il ne l'applique pas, c'est Allah qui va le juger pour ça. Hein? Donc ça, c'est un point important. Puis aussi, donc, de dire, par exemple, comme eux, ils disent que c'est barbare, ça veut rien dire. Si quelqu'un dit à propos de quelqu'un, ça c'est barbare, dans la société ou dans la civilisation ou dans l'histoire de l'Occident, les Occidentaux ont toujours considéré tout ce qui n'était pas européen ou occidental comme étant barbare. Donc pour eux, tout ce qui n'était pas, par exemple à l'époque de Rome, hein, la Rome, tout ce qui n'était pas romain, c'était barbare. Ils appelaient tous les autres peuples, même les peuples de l'Europe, ils les appelaient des barbares. Hein? Donc, tout ce qui n'est pas romain, c'était barbare. Donc, ça veut dire, en fait, quand ils disent que quelque chose est barbare, ça veut dire que c'est pas romain. Hein? C'est pas occidental. Donc, le fait que ce soit quelque chose qui ne soit pas occidental, que vous l'appeliez barbare, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est mauvais ou pas bon, ou contraire à qu'est-ce qui est vrai. En réalité, pour notre référence, nous, c'est qu'est-ce que Allah a révélé. C'est pas qu'est-ce que la société occidentale considère comme étant barbare ou non. Que vous le considériez barbare ou non, ça change rien pour nous, parce que nous, on est des musulmans et on croit en ce que Allah a révélé. Donc, on l'accepte et on sait que c'est bien. Et les faits nous prouvent que c'est quelque chose de bon et de bien pour nous. Donc, que vous pensiez, vous, que c'est barbare ou non, nous, on peut vous dire, dans ce cas-là, alors, qu'est-ce que vous dites de la chaise électrique? Ça, c'est pas barbare. Qu'est-ce que vous dites de la guillotine? Ça, c'est pas barbare. Ou de tuer quelqu'un par injection? Ça, c'est pas barbare. Pourtant, il y a des pays occidentaux qui le font. Et parmi ces koufars-là, il y en a qui vont dire « Oui, mais nous, on n'est pas d'accord avec ceux-là, ou on les critique, eux aussi, ou des choses de ce genre. » Nous, on dit, notre principe, c'est de retourner à la révélation de Dieu. Et qu'est-ce que Allah nous a ordonné de faire et de suivre? On sait que c'est le mieux. Et que, parce que Allah l'a ordonné, on sait que c'est ce qui est de plus miséricordieux pour les hommes. Pas seulement pour ceux qui appliquent les peines sur ceux qui ont commis les crimes, mais également pour ceux qui ont commis les crimes eux aussi. Parce que dans l'islam, il y a l'aspect aussi de la aqida et de la foi qui vient entrer dans la question justement des peines. Et que le musulman, par exemple, qui a commis un crime, eh bien, lui, il sait que ce jugement-là, il vient d'Allah. Et que ce jugement-là, il ne va pas changer. Que c'est toujours le même jugement. C'est pas comme ici, par exemple, une loi, un moment c'est interdit, l'autre moment c'est permis. Ça change avec le temps. Dans l'islam, ça reste tout le temps. Et en même temps aussi, il sait que quand on applique cette peine-là sur lui, et que lui, il a des remords de qu'est-ce qu'il a fait, que cette punition-là devient une expiation de son péché. Ça veut dire que, une fois que cette punition-là sera établie sur lui, eh bien, il n'aura pas à être puni dans l'au-delà pour ce péché-là qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Comme s'il a volé, puis on lui a coupé la main. Eh bien, le fait qu'on lui ait coupé la main, s'il s'est repenti à Allah et qu'il est conscient de ce qu'il a fait, que c'était mal et tout, eh bien, ça efface son péché dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, il ne va pas être puni pour ce péché-là, parce qu'il a eu la punition dans cette vie pour ça. Tandis que les koufars, eux, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en une vie après la mort où il y a une récompense pour les gens qui font le bien et une punition pour ceux qui font le mal. Donc, il n'y a pas cet aspect de foi, Yannick, qui est relié à la société, qui fait que les gens vivent pour quelque chose d'autre que pour eux-mêmes. Et il y a beaucoup d'autres points aussi, même que j'ai lu dans un livre écrit par un Français, un non-musulman, c'est un kafir, mais il a écrit un livre et il a écrit qu'est-ce qu'il a témoigné quand il était allé en Arabie Saoudite et comment il a vu l'application des peines sur ceux qui ont commis des crimes. Et il a décrit comment il a trouvé ces punitions-là et ces jugements-là justes. Et bon, et il a clarifié, expliqué la justice et le bien qu'il y avait dans ces règles-là. Si je me souviens, Inch'Allah, la semaine prochaine, j'essaierai de ramener le livre. C'est écrit par, c'est un livre qui s'appelle Le Printemps Arabe, écrit par un Benoît Méchain. Il a voyagé dans tous les pays musulmans et c'était à l'époque des printemps arabes. Aujourd'hui, on a entendu parler de il y a pas quelques temps là, qu'est-ce qu'ils ont appelé les printemps arabes. C'est un terme qui a déjà été utilisé au début, yani au milieu du siècle, au milieu du 20e siècle, lorsque des révolutions se sont passées dans les pays arabes déjà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est juste une autre répétition de qu'est-ce qui s'était déjà passé dans l'histoire récente. Donc ils ont ramené le terme, mais le terme il n'est pas nouveau en fait. C'est pas la première fois qu'ils l'emploient. Et nous on sait que ces printemps arabes là sont totalement en contradiction avec l'islam. Donc je voulais juste commencer en expliquant la question du jugement par la charia d'Allah. Mais en même temps aussi, il y a un point que je veux clarifier aussi qui est important par rapport à ce que le cheikh il explique ici, et que les hizbiyyin, eux, néglige. Parce que vous entendez souvent des groupes comme les frères musulmans, hein, les parties, le parti des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun, qui, supposément, dans les pays musulmans, appellent à l'application de la charia. Hein, et c'est ce que les occidentaux appellent les islamistes ou les fondamentalistes. Donc c'est ceux-là, en fait, qui font la fitna et ils prétendent qu'ils appellent à l'application de la charia, alors que la réalité, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas non plus l'application de la charia. Et ils ne l'appliquent pas lorsqu'ils arrivent au pouvoir, la preuve, on a vu qu'est-ce qui est arrivé au Soudan avec Hassan al-Turabi, hein, et on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec Morsi dernièrement en Égypte, et qu'est-ce qui se passe avec Nahda en Tunisie, le parti de Rachid al-Ghannouchi. La même chose, c'est des ikhwan, ils n'appliquent pas l'islam, ils n'appliquent pas la charia quand ils sont au pouvoir. Hein? Il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Et même qu'ils ils disent eux-mêmes ouvertement, hein, qu'on ne peut pas appliquer la charia. Et ils font des déclarations même qui sont clairement en opposition avec l'islam. Ils disent l'islam c'est la démocratie, l'islam c'est ci, c'est ça. Donc, il y a un point important que je veux clarifier aussi, justement, c'est que quand on dit d'appliquer la charia, comme je l'ai expliqué au premier cours, c'est pas juste d'appliquer les peines, mais c'est de commencer par d'appliquer la charia en commençant justement par la croyance islamique, hein, le tawhid. Et j'avais expliqué au premier cours, même j'en ai parlé, que ces groupes-là, ces groupes islamiques, comme les frères musulmans, Jamaat Tabligh ou d'autres groupes, ils appliquent la charia, ils veulent juste appliquer la charia dans des aspects de la dunya et des peines. Mais quand c'est le temps de juger dans la aqida, ok, on va dire à tous les gens, toutes les sectes, les khawarij, les shia, rafida, hein, les mu'tazila, les jahmiya, les soufiya, que ce soit les différents turcs, naqshbandiya, jistiya, saharwardiya, chaziliya, qadiriya, tijaniya, yani Butchichia, yani, il y en a encore comme ça, yani, des centaines et des centaines. Et les Asha'ira, et les Maturidiyya, et les Diobandiyya, et les Brelouiyya, et toutes les autres Turuq, on les amène tout ensemble. On leur demande, vous voulez appliquer la charia d'Allah? Oui ou non? Si ils disent oui, alors on dit d'accord, maintenant on va commencer à appliquer la charia en jugeant par la charia dans toutes vos divergences de la croyance islamique. Le tawhid, c'est quoi pour vous? Vous, hein, les khawarij, les mu'tazila, les jahmiya, les sha'ira, maturidiya, soufiya, c'est quoi le tawhid? Hein? Est-ce que c'est ce que Allah a dit dans le Coran et dans la sunna? Est-ce que c'est ce que les salafs ont cru? Hein? Et s'ils disent oui, eh bien là on leur dit, dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en divergence? Et pourquoi vous êtes tous les uns contre les autres et vous avez tous des croyances différentes les uns des autres dans ces fondements-là? Et vous prétendez vouloir unir les musulmans, alors que vous êtes tous divisés et que les sahabas n'ont jamais eu de divergence dans la croyance islamique et qu'ils étaient tous unis dans les fondements de l'islam. Donc où est-ce qu'elle est votre union? Et pourquoi vous parlez d'unir les musulmans alors que vous êtes tous divisés et que vous refusez de ramener les musulmans à la croyance des salafs, hein, des premiers musulmans? Donc, c'est pour ça qu'ils disent, ah, les salafis, ils divisent les musulmans. Ils disent, les salafis divisent les musulmans, ils veulent la division. Pourquoi? Parce qu'on appelle à l'unité. Mais pas à l'unité juste de s'unir sur une cause politique, ou une cause économique, ou une activité islamique qu'on va faire ensemble, puis qu'on va oublier ou mettre de côté nos divergences, comme ils disent. Mais on appelle les musulmans à dire, vous voulez qu'on soit unis? Alors corrigez votre aqida, corrigez vos erreurs, abandonnez vos innovations, abandonnez vos égarements. Toi, t'es un khariji? Sors de cette bid'a, reviens à la voie d'Ahl al-Sunnah. Toi, t'es un ikhwani, tu suis Hassan al-Banna, Sayyid Qutb et les autres. Abandonne ces choses-là, abandonne ces bid'a, reviens au Coran et à la Sunnah et à la compréhension des salafs et à la aqidah des salafs. Toi, t'es un tablighi, un soufi, un Ash'ari, peu importe qu'est-ce que tu es, laisse cette bid'a et reviens au Coran et à la Sunna et à l'Aqida des salafs. Mais il n'y en a pas un qui veut faire ça. Chacun veut s'accrocher à sa bid'a. Chacun veut s'accrocher à son groupe. Chacun veut s'accrocher à son parti et rester sur ça et dire non, mais on ne veut pas ça, nous. On veut rester unis. Et on veut juste appliquer la charia dans les questions de peine et des divergences entre les gens. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, il a dit, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus important? De juger dans la charia quand il y a un problème entre un homme et sa femme, ou de juger par la charia dans les questions qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est quoi la aqidah des musulmans? Lequel des deux est plus important? C'est la aqidah, c'est la base. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Allah dit, si vous divergez en quoi que ce soit, ça veut dire que ça comprend tout. Ça comprend les peines et ça comprend la aqida. Et en premier de tout, justement, la aqida. Donc, c'est pas juste de dire, bon, on va juger dans les peines, mais dans la aqida, on reste. Sans juger par la charia. On ne juge pas dans la charia. On ne juge pas par la charia dans la croyance islamique. Pourquoi? Alors que c'est la priorité, c'est la base dans l'islam, c'est la aqida, c'est le tawhid, hein, c'est la pratique de l'islam. Donc, c'est là que tu vois la réalité du visage de ces gens-là. C'est là que tu comprends la réalité de ces gens-là qu'ils ne veulent pas vraiment la charia d'Allah. Qu'ils veulent juste une partie de la charia pour faire du bruit, hein, mais que dans les bases de la religion, ils ne veulent pas l'appliquer. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça, ensuite, donc, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il dit, « هذا المنهج الإسلامي يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة كما أفرد سبحانه كما انفرد سبحانه بالربوبية. فتنحصر العدالة في شرع الله وحده دون ما سواه من النظم التشريعية البشرية فيكون الإسلام منهجا متميزا في خصائصه فلا شيء ينافسه البتة لأنه منهج رباني منزل غير وضعي فلا يتهم بمحاباة أو تمييز أو تحكم أو سطوة أو نقص أو عيب وجميع عباد الله أمام شرعه العادل سواء. Le Cheikh dit, cette méthodologie, cette voie de l'islam, eh bien, elle est basée sur le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de juger par ce qu'il a révélé et de le prendre comme juge. De même que c'est basé sur le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Comme on doit également l'unifier aussi dans la rububiyya, c'est-à-dire dans la seigneurie, et dans le fait que c'est Allah le maître de tout, et que c'est lui le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Et donc, il faut croire que toute la justice est dans la charia d'Allah, uniquement. Et la justice est uniquement dans le fait de juger par la loi d'Allah. Les kuffars, en particulier les féministes, elles disent toutes les religions sont des injustices pour la femme. Toutes les religions, et en particulier pour eux l'islam, sont injustes envers la femme. Pourquoi? Parce que pour la révélation, dans toutes les révélations que Allah a faites aux prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours donné à chacun des deux sexes, que ce soit l'homme ou la femme, la place qui lui revient. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné l'égalité entre l'homme et la femme dans tout. Parce que l'homme et la femme sont différents, comme j'en ai mentionné, et comme j'en ai parlé dans différents cours, et comme les ulama l'ont clarifié. Parce que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme, et ils sont différents biologiquement et psychologiquement et sur beaucoup d'autres aspects, et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés différemment pour une sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas qu'il y ait de différence entre les deux, il n'aurait pas créé deux sexes. Il n'aurait créé que des hommes ou que des femmes. Hein? Ou bien il aurait créé des créatures asexuées, c'est-à-dire qui n'ont pas de sexe. Hein? il n'y aurait pas eu de mâle ou de femelle. Mais Allah a voulu qu'il y ait un mâle, qu'il y ait un mâle et une femelle. Et il a donné à un rôle et à l'autre un autre rôle. Et ce n'est pas pour faire de l'injustice à l'un ou à l'autre, au contraire, c'est pour qu'ils se complètent les uns les autres. Hein, et que l'un fasse ce que l'autre ne peut pas faire ou qu'est-ce que l'autre peut faire mieux. Hein, ce n'est pas parce que, par exemple, on dit la femme, sa place, c'est là, que ça veut dire qu'elle est incapable de faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es capable de faire quelque chose, que tu es obligé de le faire ou que tu es supposé de le faire ou que c'est obligatoire que tu le fasses. Comme par exemple, comment je pourrais dire, je suis capable de devenir astronaute. Est-ce que ça veut dire que je dois devenir astronaute? Hein? Non. Mais si la femme dit, je suis capable de devenir astronaute, je veux devenir un astronaute. Est-ce que c'est ça la place que Allah t'a donnée? C'est ça ton rôle? C'est ça ta priorité en tant que serviteur d'Allah? C'est ça qui est important. Mais pour le kafir, il n'y a pas de rôle. Et il n'y a pas de but. Et il n'y a pas de sagesse. Allah, pour eux, Allah ne les a pas créés. Ils croient qu'ils sont comme ça par hasard. Qu'ils sont développés et évolués d'un singe. Hein? Donc il n'y a pas de sagesse pour eux dans la création. Un homme peut faire tout ce que les femmes peuvent faire, selon eux, et la femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, en fait. C'est seulement des morceaux de viande qui sont à différentes places et pour différentes choses, mais que ça ne doit pas du tout affecter ton rôle et tes tâches dans la société et qu'est-ce que tu veux faire par la suite. Hein? C'est des détails. C'est pas important ça. La biologie, la différence biologique, ça n'a aucun rapport. Donc c'est ça le résultat, qu'est-ce qu'on voit maintenant. La confusion confusion des sexes et l'inégalité renforcée encore plus dans la société et l'injustice, et c'est ça le plus important, l'injustice entre les hommes et les femmes dans la société. Et c'est comme quand on veut créer une égalité qui n'existe pas. Le résultat, ça va toujours être faux. Hein? Si je dis par exemple, comment je pourrais dire, les dollars et les euros, je dis par exemple, un dollar égale un euro. Est-ce que c'est vrai? Non? Mais si j'applique cette règle, est-ce que je ne vais pas faire de l'injustice? Hein? Toi, tu viens avec tes euros, et moi, j'ai des dollars canadiens. Puis je dis un dollar égale un euro. Il y a un qui va être perdant. Et un qui va être gagnant. Pourquoi? Parce que je mets deux choses inégales et je mets une égalité entre les deux. Eh bien, c'est ça qui arrive. Quand tu fais une égalité entre deux choses différentes, ça crée une injustice, un déséquilibre. Et c'est ça qui arrive si tu mets une égalité entre l'homme et la femme, tu crées une injustice et un déséquilibre. Hein? Tu veux mettre à égalité deux choses différentes, ça ne marchera jamais, sauf si tu fais des ajustements et que tu fais des injustices pour que ça passe. Donc ça, c'est un exemple. Donc, dans l'islam, il n'y a pas ce genre d'injustice-là. La justice, elle est dans l'application de l'islam. Et cette justice de l'islam, tu ne la trouves dans aucune autre législation humaine. Hein? Et cette législation-là, dans l'islam, elle n'est pas basée sur des passions ou des désirs des hommes. Les penchants ou les tendances ou les goûts ou les modes ou les époques, non. Ou pour faire plaisir à une classe par rapport à une autre classe, hein? Pour favoriser les riches sur les pauvres, ou favoriser les pauvres sur les riches, ou favoriser les blancs sur les noirs, ou les noirs sur les blancs, ou les... Hein? Non. C'est pas les hommes qui l'ont fait, cette loi. C'est Allah. Si les hommes s'étaient toujours référés à la loi d'Allah, c'est pas possible qu'il y ait de l'injustice sur cette terre. Hein? C'est pas possible. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que donc ce système, il n'y a rien qui peut compétitionner avec la loi de l'islam, le principe de l'islam. Et il est particulier et distingué dans toutes ses manifestations, dans tous ses aspects. C'est une voie divine, une législation qui est révélée, qui n'a pas été fabriquée par l'homme. Mais les koufars, eux, ils ne croient pas en ça. Pour eux, la religion, c'est inventé par l'homme. Pour eux, la religion, c'est inventé par l'homme. Mais la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que la religion, elle est révélée par Allah. Et quand on parle de la religion, on parle de l'islam. La religion, quand on parle de la religion, on parle de l'islam. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah a révélé à ses messagers et qui a été retransmis sans falsification, sans ajout et sans omission, qui a été transmis tel quel. Parce que les autres religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme et les autres, les hommes ont joué dedans. Et même, ils ont essayé de jouer avec l'islam. Et c'est pour ça qu'on a trouvé dans l'islam différentes sectes qui sont apparues. Mais l'islam tel quel, qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans le Coran et dans la sunna, et qui a été transmis par la suite par les salafs, cet islam, il est protégé, il est pur, il est resté tel quel. Même s'il y a des groupes de bid'ah ou des sectes qui ont dévié avec le temps dans l'histoire et qui ont falsifié ou essayé de déformer la vérité du message, le message il est resté tel quel. Et comme je disais, comme le cheikh il dit ici, c'est pas pour faire plaisir, cette loi elle n'est pas là pour faire plaisir à un groupe. Comme quand on dit par exemple l'histoire des hommes et des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé la révélation pour faire plaisir plus aux hommes sur les femmes ou plus aux femmes sur les hommes. Non, il a révélé ces lois par justice, pour établir la justice. Et c'est des lois qui ont été faites par celui qui a créé l'homme. Donc il connaît la nature humaine profonde. Il connaît la femme, il connaît l'homme, mieux que la femme et l'homme se connaissent eux-mêmes. Et donc il a révélé les choses de cette façon-là. C'est sûr que s'il y a des hommes qui font de l'injustice à des femmes, soit parce qu'ils les agressent, ou ils les battent, ou ils les maltraitent, ou ils ne leur donnent pas les droits que Allah leur a donnés, ou des choses de ce genre. Ça va créer une réaction de l'autre côté. Parce qu'une action, une injustice, eh bien, elle crée souvent une réaction contraire. Et ça demande une autre injustice pour essayer de la réparer. Alors que nous on dit, pour réparer l'injustice, il faut revenir au jugement d'Allah. Et non pas revenir et ramener une autre injustice. C'est-à-dire, l'homme il veut, l'homme il veut pas s'occuper de la femme. Parce que dans l'islam, nous on croit que la femme, c'est un dépôt que Allah a placé entre les mains de l'homme. Et il est responsable de la femme. Et il doit s'en occuper d'elle. Il a cette responsabilité-là. Et que s'il ne le fait pas, il va être questionné au jour de la résurrection par Allah. Pourquoi il s'est mal occupé de la femme? Mais les koufars, ils ne pensent pas comme ça. Ils n'ont pas cette notion-là. Pour eux, les koufars, si un homme kafir, il peut trouver une femme qui travaille. Puis lui, il reste à la maison, il est content. Et si elle, pourquoi? Parce qu'il croit, il croit pas que il y a un créateur et un seigneur, un maître qui a tout créé et qui a ordonné à l'homme que c'est lui qui est responsable de la famille, que c'est lui le chef de la famille et que c'est lui qui est responsable de ces choses-là. Pourtant, il y a pas longtemps, dans le dernier code civil, c'était encore écrit que l'homme est le chef de la famille. Je pense que ça a été changé dans les années 70 ou 80. Le code civil. Sinon, avant ça, les familles québécoises, pendant des centaines d'années, ils ont vécu avec un code civil qui leur disait que l'homme est le chef de la famille. Et ça a toujours été comme ça. Et même ma mère, elle me disait, ma mère est une Québécoise, de souche. Et puis elle me disait, quand on était petit, c'était comme ça. Ma mère ne pouvait pas aller à la banque avec son chèque pour changer son propre chèque. C'était son mari qui doit signer. Il ne pouvait pas, par exemple, faire quoi que ce soit, même aller à l'hôpital, sans la permission de son mari ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses que dans l'islam, on n'a même pas, nous. C'est-à-dire, dans l'islam, la femme, elle a le droit à son argent, elle a le droit d'avoir son compte de banque, et son mari n'a pas besoin de donner sa permission pour qu'elle ait son compte de banque ou des choses de ce genre. Hein? Mais pour les koufars, ils sont allés dans un extrême. Donc là, maintenant, ils vont dans l'autre extrême. Et là, ils pointent les doigts envers les musulmans et l'islam, et ils essaient d'accuser les musulmans d'être injustes envers la femme. Alors que c'est eux la cause de l'injustice envers la femme du début jusqu'à la fin. Hein? Il n'y a pas de religion qui a été plus juste envers la femme. Il n'y a aucun système ou loi qui a été plus juste envers la femme que la loi d'Allah. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui. Hein? Et surtout aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des versets dans le Coran dans lequel il dit par exemple: ولنسمع مرة أخرى قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit: écoutons encore une fois la parole d'Allah, est-ce que c'est le jugement de la jahiliya, de l'ignorance qu'ils veulent? Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui est convaincu? Donc il n'y a pas de jugement meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il est convaincu de ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de certitude. Eux, ils vivent dans le doute par rapport à ces choses-là. Et ils veulent se référer aux lois qui ont été inventées par les hommes. Donc il y a un autre verset que le cheikh il a cité, le verset dans sourate Al-Ma'ida, verset 8, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil-qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ce qui signifie: ô les croyants, kunu qawwamina lillah, c'est-à-dire soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, shuhada bil qist, des témoins justes. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit yani shuhada bil qist, yani walaw ala anfusikum, même si c'est contre toi-même. Même si on t'appelle à témoigner dans un tribunal et que toi tu vas témoigner et que ça va être quelque chose qui est contre toi, tu dois témoigner de la vérité quand même. Ou contre tes parents, tu vas dire la vérité, ça va être contre toi ou tes parents ou tes proches. Tu dois dire la vérité, tu dois témoigner de la vérité, le témoignage de vérité. Tu dois pas mentir. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être véridiques et de dire la vérité. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Ça veut dire que même si tu as affaire avec des koufars et que c'est des ennemis d'Allah, tu dois quand même être juste envers eux. Tu ne dois pas leur faire de l'injustice à cause de ta haine, et laisser ta haine te pousser à être injuste. Pratiquez l'équité, c'est-à-dire soyez juste, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc le cheikh il dit ensuite que c'est ça l'exemple de la justice de l'islam. Et il donne l'exemple de Al-Mar'a Al-Makhzoumiya. Je ne vais pas lire le texte en arabe s'il y en a pour aller plus vite, mais c'est une histoire qui est connue. C'est le fait que dans l'islam, yani, on ne va pas faire tomber la peine sur quelqu'un à cause de son rang social, de sa classe sociale, sa noblesse. Et c'est arrivé justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme noble de Quraysh avait volé. Et les gens, yani, c'était lourd pour eux de voir une peine appliquée sur une femme comme elle, puisque c'était une femme d'une noble, une famille noble. Donc les gens disaient: est-ce que c'est pas possible de faire annuler la peine sur cette femme? hein, et qu'elles soient épargnées de la punition dans l'islam. Donc, ils sont allés, c'est-à-dire qu'ils voulaient aller intercéder pour elles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire annuler la peine. Mais ils n'ont pas trouvé, ils ne savaient pas comment l'approcher puis lui parler de ça. Alors ils ont trouvé quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime beaucoup et qui aime beaucoup le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour intercéder pour eux. Et ils sont allés vers Usama ibn Zayd. Hein? Et c'est le fils de Zayd ibn Thabit. Donc Usama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Hein? Et vous savez que Zayd, avant l'islam, c'était presque comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et son fils, un de ses fils, c'était Usama. Et il aimait beaucoup Usama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu, ils sont allés voir Usama, ils ont dit, va voir le messager d'Allah et parle-lui. Peut-être qu'il pourra épargner de couper la main de cette femme parce qu'elle est noble et tout et tout. Donc, il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de pas appliquer la peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il a dit à Usama, « Atashfa'u fi haddin min hududillah, ya Usama ?» C'est-à-dire, est-ce que tu vas intercéder dans une peine, parmi les peines d'Allah, ô Usama ? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est habituellement calme et doux, il s'est mis en colère. Et il se met uniquement en colère pour Allah. C'est-à-dire quand les limites d'Allah sont transgressées. Là, il se met en colère. Pas pour sa propre personne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir les gens. Et il s'est adressé à eux en disant, « Ya ayyuhannas, innama halaka man kana qablakum » أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. Donc le cheikh il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a dit, oh vous les hommes, oh vous les gens, sachez que ceux qui ont vécu avant vous ont péri uniquement lorsque le noble volait parmi eux, on le laissait aller. Et lorsque le faible volait parmi eux, on appliquait sur lui la peine. Et il dit, je jure par Allah que même si la fille de Mohammed, Fatima, volait, eh bien j'aurais fait couper sa main. Et même ma propre fille, hein. Parce que la femme qui a volé, c'était Fatima bint Qais, si je ne me trompe pas. Elle s'appelait le même nom que sa fille. Elle a dit, même si celle qui avait volé, c'était Fatima, ma fille, je lui aurais coupé la main. Hein? Donc c'est pour dire que dans l'islam, il y a cette justice, qu'on ne fait pas de distinction entre les gens. Si tu es riche, on te laisse aller. Si tu es pauvre, on applique la peine. Mais c'est ça qui se passe dans les sociétés de Kufr aujourd'hui. Hein? Malgré que c'est des gens aujourd'hui en Europe, en Amérique et partout, ils disent nous on est pour l'égalité des droits, la justice, ainsi de suite. Ici tu peux pas, si t'as pas un avocat, un bon avocat, parfois tu peux pas te défendre. Et pour avoir un bon avocat, il faut avoir de l'argent. Peut-être qu'ils vont dire oui, mais on donne à ceux qui sont pauvres un avocat de l'État, hein, qui est payé par l'État ou des trucs comme ça. Et souvent c'est pas les meilleurs avocats. Hein? Donc si tu as vraiment besoin de défendre une cause sérieuse et que tu as des problèmes et que tu n'as pas d'argent, eh bien, tu vas rester dans les problèmes que tu as. Hein? Et il y a une grande différence entre les riches et les pauvres. Hein? Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand les koufars ils parlent de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tu leur dis, est-ce qu'il y a déjà l'égalité entre les hommes entre eux, pour qu'on commence à parler de l'égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a l'égalité entre les femmes entre elles? Hein? Déjà. Et entre les hommes, il y a les différences, même sans parler des différences de couleur, le racisme, hein? Les discriminations raciales et des trucs de ce genre. Hein? Et tu vois que dans certains pays, tu rentres dans des quartiers, tu vois, tout le monde sont d'une seule couleur, tout le monde sont pauvres. Et tu rentres dans un autre quartier, tout le monde sont d'une autre couleur et ils ont des beaux quartiers. Tu dis, c'est ça l'égalité, la justice, hein? Donc, c'est des propagandes, hein, des beaux discours, mais la réalité, c'est que c'est pas là, c'est pas appliqué. Donc, on voit l'exemple même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre, hein, les principes tels quels. Et l'histoire de dire que dans l'islam, on ne fait pas de distinction entre les noirs et les blancs, les riches et les pauvres, ça, c'est pas quelque chose qui est juste théorique. Si tu regardes même dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves ça. Hein? Tandis que dans l'histoire de, yani, qu'est-ce que tu regardes dans le christianisme, comment ils ont distingué entre les blancs et les noirs, même dans les églises. Hein? Même dans les, entre les riches et les pauvres, même dans l'église, pour s'asseoir, pour avoir un banc, il fallait être parmi il faut avoir de l'argent pour avoir une place dans l'église. Si tu veux t'asseoir en avant, là, il faut peut-être de l'argent. Si t'as pas d'argent, tu restes assis debout en arrière, tu regardes la messe debout. Hein? Même pour te faire enterrer, yani, subhanallah, si t'as de l'argent, tu vas avoir un bon cimetière. Si t'as pas d'argent, tu te fais enterrer dans une fosse commune, là. On jette ton corps comme ça dans un trou. Pourquoi? Par rapport à l'argent. Dans l'islam, tu meurs. Hein? On va pas te donner un cercueil de millions, là, de 10 000 $ juste pour un cercueil et puis te faire une cérémonie, je sais pas, non. Tu vois, par exemple, en Arabie Saoudite, tu vas voir les cimetières, la tombe du roi et la tombe du cordonnier, c'est la même. Tu peux pas distinguer même est-ce que c'est le roi ou le cordonnier. Hein? Pourquoi? Parce que dans l'islam, il n'y a pas de différence. Mais les gens de Bid'a, ils ont ramené les tombes qu'ils ont élevées quand c'est un roi ou un homme pieux ou un saint. Ils font un dôme ou une synagogue, pas une synagogue, mais comment ils appellent, les mausolées ou les tombeaux. Ils construisent ça haut, par-dessus sa tombe, comme si pour dire, lui, là, il était quelqu'un d'important. Ça, c'est interdit dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de bâtir quoi que ce soit sur la tombe d'un mort, de construire quoi que ce soit sur la tombe d'un mort. Et il a maudit les juifs et les chrétiens pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mais les gens de Bid'a, les Shia et les Soufia aussi, ils ont ramené les idées comme, hein, ça c'est un wali, ça c'est un pire. Hein, comme ils disent en Inde ou en Pakistan ou au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, que lui c'est un wali, il faut faire un gros dôme sur sa tombe, une grosse mausolée, et les gens vont venir, vont faire tawaf autour et donner, hein, faire des du'as aux morts. Ça c'est shirk avec Allah, hein? Parce que c'est Allah seul que tu dois adorer, pas adorer un mort ou des choses comme ça. Mais Allah al-Musta'an, hein? Donc ça c'est des exemples des choses graves. Donc le cheikh il dit que cet exemple là qu'on a lu, hein, c'est un modèle vivant de la justice dans l'islam et comment elle est appliquée. Donc comment tu peux ramener des idéologies occidentales ou orientales pour essayer de les comparer à cette justice islamique? Tu pourras jamais, hein. Il dit, le cheikh, il dit, mais l'injustice, c'est de ramener ces idéologies des koufars, hein, et de prétendre que c'est ça la justice. Le cheikh, il dit, بَلْ مِنَ الظُّلْمِ وَهُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ تَسْمِيَةُ الدِّمُقْرَطِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ عَدَالَةِ. Donc c'est ça. Nous, par exemple, je repense à l'époque quand j'étais enfant à l'école, au secondaire, même au primaire, et on nous enseignait pas la démocratie ou les droits de l'homme à l'école comme une sorte de théorie là, mais on nous l'impose comme un fait, comme si c'était une réalité, une vérité qu'on est obligé d'accepter, comme si c'est ça la vérité, la démocratie, les droits de l'homme, les élections, c'est ça, c'est la bonne façon, la vraie façon de vivre, C'est ça. Et tous les peuples et toutes les gens, les religions, les croix qui ne croient pas en ce système-là, c'est des vauriens, c'est des gens qui n'ont pas de... Ils ont peut-être, même, peut-être que même ils n'ont pas le droit de vivre. Il faudrait tous les exterminer, selon qu'est-ce qu'ils font paraître dans leur discours parfois. Donc, tu dis, mais subhanallah, comment ils ont ramené tout le monde à être convaincu de la démocratie et des droits de l'homme de cette façon-là? Hein? Moi, je me rappelle, hein, la première fois que j'ai, à l'école secondaire, qu'on m'a parlé des droits de l'homme, c'était, je pense, en secondaire 4, parce que je me suis converti à l'islam, en secondaire 4, non, en secondaire 5, que j'ai eu ce cours-là, l'enseignement moral. Parce que moi, j'avais toujours pris enseignement religieux, depuis le primaire jusqu'au secondaire, dans les écoles catholiques, hein, au Canada. Même s'il y avait... Il n'y avait presque pas d'enseignement de religion dans les cours de... Même dans les cours d'enseignement religieux, c'était, il parlait de religion, mais... C'est comme si même le prof lui-même, il t'enseigne la religion, il dit, mais moi, je ne crois pas en la religion. Allez, donc c'est... Juste parce que c'est son job, il doit enseigner ça, donc il l'enseigne. Hein? Mais, pour te dire, Réani, subhanallah, quand c'était l'enseignement moral, en fait, c'est l'enseignement moral chrétien aussi. Et là, il te parlait des droits de l'homme et des trucs de ce genre-là. Mais il y a quelque chose qu'on se pose comme question lorsqu'on voit ces principes-là pour la première fois. Puis on voit la société, comment elle est établie avec ses lois et ses règles de coffre qui opposent la religion. Et c'est ça maintenant que je commence à comprendre. Mais en fait, j'ai compris ça depuis longtemps, mais dans le sens que je commence à le voir de plus en plus même. La façon comment ils ont établi la société maintenant et les bases sur lesquelles ils veulent l'établir, c'est vraiment avec l'histoire de laïcité et des droits de l'homme et de la démocratie, c'est d'éliminer complètement la religion de la vie des hommes. Et même quand tu vois comme par exemple, parce que là je fais des cours en enseignement, donc dans l'enseignement, tu vois les bases sur lesquelles, les points sur lesquels ils demandent aux gens de se concentrer pour faire les enseignements. Et il n'y a aucune mention de croyance, de religion ou de foi. C'est toutes des affaires de la dunya. Hein? Même dans les codes de la ville. Maintenant, par exemple, pour avoir la permission pour ouvrir une mosquée ou un lieu de culte. Eh bien, tu vois, par exemple, ils t'ont dit, bon, il y a seulement certains endroits où tu as le droit d'ouvrir un lieu de culte. Et il faut que ça soit dans tel code de la ville. Et quand tu regardes ces codes-là, tu regardes sur la carte, tu vois que c'est dans des endroits où il y a personne, où les gens habitent pas. Et c'est des endroits, ou bien soit ça doit être au deuxième étage, ça peut pas être au niveau de la rue. Ou soit ça doit être au deuxième étage, ou bien ça doit être dans un endroit aux limites de la ville, hein, en bordure de la ville, dans les extrêmes, dans les limites là, hein, au bord des endroits où il y a personne. Donc c'est pour dire qu'ils veulent pas que la religion vit ou joue un rôle central dans la société, un rôle vivant et actif, hein. Et c'est ça leur objectif. C'est de baser toute la vie des êtres humains sur la dunya et le commerce et ces choses-là. Puis que la religion soit, que chacun il peut faire ce qu'il veut avec sa religion, croire en ce qu'il veut, mais que ça ne doit pas avoir d'influence sur sa façon de vivre. Hein? Donc c'est pour appeler les gens au coffre. Et ces systèmes-là sont établis par ces gens-là pour combattre la religion d'Allah et la religion des prophètes. Il faut que... c'est quelque chose qui est très important. Ça fait. Il faut que chaque musulman réalise que le système des koufars, que ce soit la démocratie, la laïcité, ou toutes ces idéologies-là, sont des systèmes qui ont été établis par des hommes qui ont déclaré la guerre aux messagers d'Allah et aux livres que Allah a révélés et qui sont contre qu'est-ce que Allah a révélé à l'humanité. Et ceux parmi les soi-disant, ceux qui sont appelés les islamistes et qui veulent essayer d'établir l'islam en utilisant ces moyens-là, eh bien c'est une chose qui retombera toujours contre eux et contre l'islam. Et on le voit maintenant. Donc, on arrive maintenant à un point où le cheikh, il va parler des erreurs qui sont dans la conception justement de ceux qu'on appelle les islamistes. Moi, je les appelle des islamistes, mais en réalité, on ne doit pas distinguer dans l'islam entre un musulman et un islamiste. Musulman, c'est un musulman. Les termes que les koufars inventent pour distinguer entre les musulmans, ce n'est pas des références pour nous. Sauf que, dans le sens qu'il faut comprendre que le terme « isme », quand ils rajoutent le mot « isme » à la fin d'un mot, ça veut dire une idéologie qui est rattachée à cette chose-là. Et donc, ce n'est pas nécessairement l'islam, mais c'est une idéologie basée sur l'islam. Donc, moi, c'est pour ça qu'on dit, quand ils disent « islamiste », j'ai compris qu'ils désignaient des musulmans qui utilisent l'islam comme une idéologie politique pour arriver au pouvoir sans nécessairement suivre ou respecter les principes et les fondements de l'islam. Hein? Yani, c'est ça, c'est bien sûr que c'est mauvais. Mais, étant donné que le terme n'est pas tellement défini, le problème c'est ça, ils ne le définissent pas, et bien, étant donné qu'il n'est pas défini, ça peut vouloir dire quelque chose pour une personne et quelque chose d'autre pour une autre personne, et c'est pour ça que c'est bien de le définir. Moi, c'est quand je dis islamiste, c'est ça que je veux dire. Un islamiste, quelqu'un qui fait partie des groupes islamiques modernes, comme les frères musulmans et les autres, qui se basent sur l'islam pour essayer d'arriver au pouvoir et qui contredit les principes des salafs salih, qui ramène des principes contradictoires avec la voie des salafs salih, qui utilise les méthodes que les koufars ont inventées pour essayer à arriver à faire appliquer la charia. Et ça, c'est contraire à l'islam. Tu ne peux pas faire appliquer la charia d'Allah en utilisant des méthodes qui sont en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ok? Donc, c'est juste pour être clair et pour qu'on se comprenne. Mais sinon, dans un pays musulman, à l'intérieur des pays musulmans, on n'a pas le droit de distinguer entre les islamistes et les non-islamistes. On est tous des musulmans, sans distinction. Hein? Mais pour les koufars, eux, des fois, ils jouent avec le terme. Ils vont dire un musulman, c'est ceux qui sont musulmans, mais ils pratiquent leur religion juste pour eux, ils ne dérangent personne, ils ne parlent pas de l'islam. C'est ceux qu'ils appellent les modérés. Puis les autres, c'est les islamistes parce qu'ils appellent les autres musulmans à pratiquer l'islam s'ils ne sont pas pratiquants. Ou ils appellent les femmes à porter le voile s'ils ne portent pas le voile. Ou à faire la prière s'ils ne font pas la prière. Ou à faire des choses comme ça. Donc, depuis qu'un musulman essaie d'appeler les autres à, ou même des non-musulmans à devenir musulmans, ils vont dire, ah ça c'est des islamistes. Alors que ça n'a rien à voir. C'est des musulmans. C'est pas une classe à part des musulmans. C'est, au contraire, c'est des musulmans qui font qu'est-ce que tout musulman devrait faire. Mais à force de jouer avec les termes, ils mélangent tout le monde. Donc, on va parler de ça, Inch'Allah, au prochain cours, bienvenue. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.